broadcasting. Culture where creativity was consumed, but the consumer is not a creator. A culture which is top-down, owned, where the vocal cords of the millions have been lost. Digital technology is the opportunity for the revival of these vocal cords. I mean, culture where people produce for the love of what they're doing and not for the money. On est live. Série solide. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast de Mac Québec. Mon nom est Alexis Cornelier. Est-ce qu'on nous entend dans la salle? Est-ce qu'on nous entend dans la salle? Il y a en ce moment, parfait, en ce moment 12 participants. On est en train de tester une nouvelle plateforme. On va commencer les choses comme il se doit, c'est-à-dire en présentant mes co-animateurs. En fait, on a avec nous mon co-animateur des premières heures, Bernard Ouellet. Ça va bien, Bernard? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce qu'on entend Bernard dans le chat? Oui. Ouais. C'est bien. Les réponses viennent moins vite. Hein? C'est sûr qu'à 12 participants versus 320 pour l'événement iPad d'hier, il y a moins de gens qui répondent. Il y a aussi Jean-François Roy qui est avec nous. Ça va bien, Jean-François? Oui, toi? Oui. Et celui qui est dans le noir parce qu'il n'a pas trouvé de vêtements propres à se mettre aujourd'hui, c'est Vincent. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va très bien. Ça l'allait bien, Alexis. Oui. Oui, ça va très bien. Excellent. Donc, est-ce que vous êtes remis de l'événement d'hier? Pour être honnête, moi, j'étais encore assez fatigué, là, puis j'étais là aujourd'hui, je travaillais, puis j'étais comme, je regrette d'avoir fait un podcast pour ce soir. Je suis très fatigué. Ah oui, on est crevé, c'est assez vanant. J'ai eu une petite anecdote. J'ai eu, où je travaille, tu sais, je travaille dans une pharmacie et j'ai eu quatre clients qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu hier soir à TV! » Oui, effectivement, les clients des pharmacies du Québec sont plutôt âgés, disons. Donc, oui, c'est ça. L'imitation était très bonne. J'ai reçu aussi beaucoup de commentaires comme quoi on m'a vu. J'ai beaucoup de clients qui m'ont écrit. Je vais juste essayer de resuivre le plan de match qu'on avait. J'aimerais remercier en fait un ami à moi qui s'appelle Robert Créco. Robert est photographe. Si vous le cherchez sur Facebook, vous allez le trouver. C'est lui hier qui s'est joint à, en fait, il s'est joint à notre événement hier et sur Facebook, il m'a envoyé, il a dit hey, « Pourquoi tu n'utilises pas Spreecast? » C'est une autre plateforme qui, semble-t-il, donnerait de bons résultats. Et puis, on a décidé de tester la plateforme hier soir et on a trouvé que la vidéo était de meilleure qualité. On a trouvé que c'était beaucoup plus fluide, que le setup était mieux fait, qu'on avait une meilleure gestion d'à peu près tout. Autant ce qu'on peut mettre en ligne, tout ça, et on a essayé en fait cette plateforme-là et directement sur le macquebec.com/podcast, vous avez le chat qui est là. C'est sûr qu'il va falloir faire des ajustements de mise en page d'après ce que j'ai vu, là, mais sinon, ça va bien. On voudrait aussi remercier, je les ai notés. On voudrait remercier Dominique Arpin, Paul Arcan, Pénélope McQuaid, Charles Lafortune, Véronique Cloutier et Thérèse Parisien qui ont retweeté l'événement. Je leur ai demandé hier. Ils ont retweeté l'événement sur les médias sociaux. Merci aussi aux 98.5 qui ont parlé de nous hier matin. François Paradis du TVAendirect.com qui nous a reçus vers 11h30. Le TVA Nouvelle qui est venu nous voir dans la petite cuisine de Jean-François. C'était comme malade. Je ne sais pas comment ça a sorti le reportage. Ah, c'était bien. C'était bien. Ouais. Ouais, c'était bien. Ouais. Ouais. De pseudo malade mental, je ne sais pas quoi. Non? Non, c'était non, c'était bien. Non, c'était correct. Oh, ouais. Okay. Oh, ouais. Bernard, qui nous a suivis tout le long, qui n'a pas pu se joindre à nous hier, mais qui était là de corps et d'esprit, comment tu nous as trouvés hier? Ah, c'était très bon, j'ai bien aimé ça. Oui, excellent. Ouais. Ben, nous autres, on a apprécié ta présence pour ajuster certaines informations. Ça s'est vraiment très bien passé. On a fini l'événement, puis on a comme hurlé. On était vraiment contents de ce que ça a donné, de toute l'effervescence qu'on a mis autour de ça. On n'a pas battu des records, le record en fait qui appartient au iPhone 4S, mais je pense que la plateforme iPhone est quand même attire plus que le iPad. Donc, c'est un peu normal, mais on a fait d'excellents chiffres. On est vraiment très content. On est en train encore de comptabiliser un peu ça, mais c'était vraiment très appréciable. Il faut mettre ça sur le compte de la semaine de relâche. Il y a beaucoup de gens partis un peu partout en vacances. Les étudiants qui auraient pu nous écouter. Les étudiants, la famille, ils sont dans le sud, sont en vacances de ski, un peu partout. On pourrait mettre ça là-dessus. Oui. On a quand même un bon pic dans le podcast. On a eu un pic de 350 personnes, donc très content pour le podcast, à l'enregistrement en tout cas. Plus l'écoute en direct, je pense qu'on a eu à peut-être 30 personnes sur les médias traditionnels. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas dedans, là. Non. Sur l'application Mac Québec en direct? C'est ça. En fait, avec le pic, le 350 incluait le 43 personnes au maximum qu'on a eu dans l'application. Donc, on avait viré 300 puis 320 pour le podcast sur le site de Vocal, puis un 43 personnes maximum pour l'application. Ce qui m'amène en fait à... Oui, on a dit un beau merci à toutes ces vedettes qui nous ont retweeté gentiment. Oui, oui. On a fait profiter de leur reach, de leur auditoire. Merci beaucoup. Mais le plus gros merci, je pense, va aux auditeurs qui sont venus partager ce moment-là avec nous et qui ont fait quand même 2 heures, 2 heures et demie oui. Nous écouter. On a eu solide pendant à peu près tout l'événement. On a eu 220 personnes là, qui sont restées. Donc, merci à vous. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas vraiment fait une présentation nous-mêmes, mais on a vraiment partagé un moment. C'est des gens qui sont venus avec nous écouter ça, nous donner les informations qu'on avait besoin, les partager. T'sais, ils ne sont pas venus nous dire « Hey, vous êtes tout croche » ou quoi que ce soit. Fait que on a vraiment bien trippé, nous, hier. Aussi, comme dirait Denise Filiatro, on enchaîne. Ouais. En fait, on a oublié deux petites choses. Hier, on avait oublié de remercier Dean Lubaki et Marc-Antoine Bertillon d'avoir géré le Cover It Light, live pardon, du le chat room, en fait. Donc, un gros merci à eux. On avait oublié hier. On s'en est rappelé juste après le podcast. Donc, on vous remercie encore. Oui, ben oui, d'avoir été sur les médias sociaux, d'avoir animé le Cover It Live, effectivement. Bernard nous a rappelé à l'ordre, donc on enchaîne. J'ai un message au troll. On commence à en avoir. Je suis très content parce que ça prouve que on fait bouger les choses. On a été taxé en fait sur Twitter un peu de réenvoyer des nouvelles qui étaient 2 mois en retard, des trucs comme ça. Faut savoir que ce qu'on essaye de faire, c'est de la nouvelle et non de la rumeur. On l'a stipulé hier. Donc, tu sais, les nouvelles sont pas 2 mois en retard. C'est juste qu'au moment où on les dit, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir un décalage de 2 semaines. C'est sûr que pour ça, on peut nous taxer qu'au moins nos nouvelles sont vieilles de 2 semaines. Mais si c'est une rumeur dont on a parlé sur je sais pas quoi il y a 2 mois et que quand on en parle, ben c'est rendu une nouvelle, ce n'est plus une rumeur. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'amener des faits qui sont qui vont se produire. Véridiques. Ouais, effectivement. Puis hier, en fait, on a pu le voir quand on a fait le retour sur les rumeurs et les rumeurs farfelues. Il n'y a aucune des rumeurs farfelues qui s'est produite là, que ce soit les deux iPads collés ensemble. Oui, exactement. Ça qui était un concept et on l'avait présenté comme ça. Ah oui, ça c'était merveilleux. Oui, le iPad HD, il ne s'est pas appelé du tout comme ça. Puis les gens qui continuent il y a des gens qui continuent à l'appeler de même, mais c'est pas le nom qu'il y a eu. Puis l'autre rumeur farfelue, c'était au niveau de un champ électrostatique qui aurait permis d'avoir un feeling de relief dessus. C'était en fait une vidéo que j'avais trouvée sur CNET. Et on a une nouvelle sur CNET un petit peu plus loin. Là. En tout cas, c'est pas ma source numéro 1 de nouvelles, disons-le. L'autre chose que je voudrais adresser aux trolls, c'est que oui, on utilise et on vient de faire un changement de plateforme et on utilise une plateforme Flash. Non, vous ne pouvez pas l'écouter sur vos appareils iOS. Par contre, je pense qu'on a fait des efforts et grâce à l'application Mac Québec et grâce aux efforts, en fait, de Vincent, faut le dire, vous êtes en mesure de nous écouter sur votre iPod, sur votre iPad, sur votre iPhone directement via l'application Mac Québec. Et merci beaucoup, Vincent, pour ça d'abord. Un plaisir. Et, en fait, ce qu'on voudrait aussi adresser, c'est le fait qu'on n'est pas trop pressé de fournir la vidéo en direct de ça. D'abord, quand on finit un événement, la vidéo est presque instantanément disponible. Mais en tout cas, pour ma part, je ne sais pas si je parle pour les autres, mais je crois beaucoup à la spontanéité du médium parlé qu'est la radio ou en fait ce qu'on fait là. Puis, en fait, l'autre chose, c'est qu'on est beaucoup trop humble vis-à-vis de notre beauté. Donc, c'est pour ça qu'on va propulser tout de suite la vidéo. T'sais. Bon. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. En fait, s'il y a des gens qui veulent nous proposer des plateformes qui peuvent faire de la vidéoconférence comme on en fait présentement à 4 feeds vidéo en même temps qu'on peut diffuser sur Internet, moi, je n'ai pas encore vu de plateforme qui n'utilisait pas Flash. Oui, c'est ça. De l'HTML5, je pense qu'on ne le voit pas actuellement. Ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, la seule façon qu'il faudrait rebroadcaster, c'est d'avoir un serveur en quick time broadcasting. Puis ben là, ça devient de l'équipement assez onéreux et on pourrait pas faire ça chacun de notre maison. Donc, essayer de trouver une plateforme qui est pas en flash, qui ferait de la vidéoconférence, qui nous retransmet l'image et le son de 4 animateurs qui sont chacun à leur maison. Je vous souhaite bonne chance. C'est quoi la boîte? Oh, une boîte. On va faire un unboxing. Qu'est-ce que ça peut être, la boîte? Ah, c'est-tu la même affaire que j'ai reçue? Ouais. Ah! Puis, je vais faire semblant d'être heureux, mais c'est ma blonde qui a probablement reçu la boîte aujourd'hui, puis elle va dire, c'est quoi que t'as encore acheté? Ben, c'est un fil. T'en avais-tu vraiment besoin? Pas vraiment. Oh! C'est un fil. C'est un fil d'Exim. Vidable G. Voilà. Puis on peut voir, je ne sais pas si c'est assez clair, mais on peut voir en fait le fil, il y a des LED dedans, il y a de la lumière dedans. Et quand ton iPhone est très, très vide, les LED vont... explique-nous un peu, tu l'as reçu, toi, Jeff. Oui, mais là, mon téléphone, il est full charge, fait que le fil ne fonctionne pas. Fait que faut que le téléphone soit... Faut qu'il commence à être déchargé pour que le fil fonctionne, parce qu'il y a une plug qui vient avec qui contrôle le flux de LED qui passe dans le fil. Alors, vous avez un... Je vais vous le débrancher. C'est un fil bien ordinaire. C'est ça, le petit contrôleur qui contrôle le LED avec la plug iPod, iPhone, iPod, iPad. Puis, quand que le téléphone est déchargé, vous voyez tout le LED passer dans le filage. Et si, mettons, de 0 à 65 %, vous allez voir le LED, là, ça va défiler à une vitesse, là, c'est assez rapide. Puis, ben, je sais pas si toi, Alexis, tu peux le brancher, parce que moi, ça me donne rien de le brancher. Mon téléphone, il est plein. C'est ce que je suis en train de faire, mais je veux pas le brancher sur mon l'ordinateur parle actuellement, parce que... Je vais aller chercher mon touch. Attends un peu. OK. Donc, je sais pas si vous voyez. En fait, l'effet, le voilà. Et ça sert à quoi dans la vie? Ça sert à rien à part à être beau. En fait, le fait que les LED vont rapidement, ça donne un indicateur qu'il est en train de se recharger. Mais ça donne vraiment l'impression que ton ordinateur est en train de pitcher de l'énergon ou quelque chose comme ça dans ton iPhone. Oui, je l'ai montré. Le mien fonctionne rapidement, regarde. Fait que ça te donne... C'est juste cute. C'est un gadget inutile, mais ça te donne vraiment l'impression... Moi, j'aime beaucoup ça. Là. Ça te donne vraiment l'impression qu'il y a de l'énergon qui est en train de couler dans ton téléphone. De l'énergon, c'était l'énergie dans les Transformers, by the way. OK. Mais ça sert vraiment à rien. Là. C'est un fil pour... Mais il est 19$, OK? Celui d'Apple, il est 25. Puis ça fait la même chose. Mais il est cute, tu sais. C'est la même espèce de cochonnerie que les gars de Laval qui mettent des néons en dessous de leur Civic. C'est pareil. C'est inutile. Puis eux autres trouvent ça beau. Bon, un néon en dessous de ta Civic, ça peut coûter comme, je sais pas, 2 500$. Moi, il m'a coûté 19$. C'est okay. Correct. C'était pas dans le plan du podcast, ça. Je le trouve pas. Faut savoir, c'est un petit 2 petites minutes. Là. Faut savoir okay. S'adapter, Bernard. OK. Ah, on a un invité aussi qui va se joindre à nous tout à l'heure. Oui, on a un invité. En fait, nous, on a fait la présentation de la cuisine de JF hier soir. Mais on a quelqu'un avec nous et on va lui demander de rentrer. On sait qu'il risque d'avoir des petits problèmes de micro, par contre. Fait qu'on va le laisser parler. Et puis, je vais laisser Bernard, en fait, lui poser les questions, tout hein? Ça, la discussion. Ben oui. Un animateur de radio. Voilà, il faut savoir improviser. Yeah, c'est ça, c'est improviser. Ben là, c'est parce que là, je ne m'avais même pas donné fourni les questions. Il n'y en a pas, vas-y. Il n'y en a pas. Si tu jases avec lui, tu sais pas comment tu fais ça. On a Alain McKenna à l'autre bout du fil. Alain? Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Je te laisse avec Bernard. OK, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Salut, Alain. Salut, Bernard. Ça va bien? Ça va bien, toi? Alors, on t'entend, tu es dans un café dans le coin de San Francisco, peut-être? Ouais, je suis un petit peu au sud de San Francisco parce que mon vol décolle dans quelques instants. Donc, je suis un peu en attente, mais en même temps, tu vois, je me demandais comment j'allais passer la prochaine heure. Puis je vous écoute, puis je me dis que ça va passer pas mal vite, justement. Ah, ça va passer pas mal vite, oui. Donc, si tu étais à San Francisco, c'est que tu étais à l'événement d'Apple pour le lancement du nouveau iPad et du nouveau Apple TV 3. Ouais. Peux-tu nous résumer un petit peu quel genre d'ambiance qu'on pouvait retrouver à cet endroit-là? Ben, c'est intéressant. Tu vois, je suis ici depuis lundi. J'étais aussi où c'est tout bête. C'était l'autre côté de la rue. Il y avait le Game Developers Conference, qui est un événement énorme, mais international, avec, tu sais, mettons, 200 entreprises, 20 000 personnes, puis ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté de la rue, il y avait la présentation d'Apple hier, où il y avait 400 journalistes au gros maximum. Et je peux te garantir qu'il y avait 10 fois plus d'attention sur la conférence d'Apple que sur celle de tous les EA, les Ubisoft et les Warner Brothers Games de ce monde. Donc, c'est assez intéressant. C'est une conférence, écoute, ça dure 2 heures. C'est hyper encadré. Ça roule comme sur des roulettes. Là, c'est vraiment hyper bien léché. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première, c'est la deuxième conférence du nouveau PDG d'Apple, qui est Tim Cook. Puis on l'a vu l'an dernier au moment de lancer l'iPhone 4S, qui était à peu près 3 jours avant qu'ils annoncent le décès de Steve Jobs. Et puis à l'époque, M. Cook n'était pas la bête de scène qu'il était hier. Et par bête de scène, évidemment, je veux dire le type relax et des contracts qu'il était. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Apple l'an dernier, à la fin de l'été. Mais là, cette fois-ci, c'était pas mal plus relax. Évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, là, il y avait des rumeurs. Est-ce qu'il allait avoir un écran à rétroaction physique? Est-ce qu'il allait avoir des bordures actives, là, un paquet d'affaires? Donc, les journalistes se renvoyaient, c'était un peu à la blague. Dans le fond, on se renvoie les rumeurs dans la salle de presse en attendant la conférence. Et durant la conférence, tout le monde fait du clavardage en direct. Nous aussi, on le faisait sur le site de la presse. Donc, il y a à peu près personne qui suit la conférence parce que tout le monde est penché sur son ordinateur en train de tapoter. Donc, ça crée une ambiance assez intéressante. Mais sinon, il y avait évidemment le nouvel iPad qui était attendu de bien des façons. Qui était la vedette du show. Ah oui, évidemment, qui est arrivé en dernier, naturellement, après l'Apple TV. Apple TV qui a peut-être déçu ceux qui attendaient un téléviseur complet, mais en même temps, à la fin de la conférence, Cook l'a bien dit, il dit, écoutez, cette année, il y a des grosses nouveautés qui s'en viennent. C'est pas les seules que vous allez voir cette année, donc la porte est ouverte pour un paquet de nouveautés. Le nouvel iPad était super bien reçu malgré tout cela. Pardon. Nouvel écran, nouveau processeur graphique, un paquet de nouveautés qui peuvent paraître minimes pour les gens qui attendent toujours un miracle, mais qui, à la fin de la journée, sont quand même assez intéressantes. Là. Ben, est-ce que tu l'as dans tes mains? Oui, ben après la présentation, il y avait une petite démo dans une salle très... Donc, je l'ai vu peut-être 10 minutes, là, le temps de faire le tour de la table. Les critiques sont positives, puis elles ont raison. L'écran est superbe. La question de la densité de pixels, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Dans le magazine imprimé, c'est quelque chose de très important. Les fameux 300 pixels par pouce, là, les 300 points par pouce dans le cas d'une feuille imprimée. l'idée du retina display, c'est de dire qu'il y a autant de pixels, au moins autant de pixels par pouce que le nombre de points que l'œil humain est supposé pouvoir percevoir. Donc, dans le cas du iPhone, je pense que c'est quelque chose comme 354, mettons, pixels par pouce, donc à une distance de 12 pouces, donc 30 cm de l'œil. Ça, c'est ce que l'œil humain est supposé être capable de percevoir. Ce qui fait qu'on ne voit pas nécessairement les points, on ne voit pas les pixels comme tel, on voit juste une ligne fluide. Quand tu as une ligne, ça apparaît dans le texte, on le voit beaucoup. Au niveau de l'iPad, c'est un petit peu moins, il y a un petit peu moins grosse densité, c'est quelque chose comme 257, mettons, pixels par pouce. Mais dans le cas de l'iPad, ils disent, bon, on le regarde un peu plus loin, donc c'est équivaut à peu près à la même, même genre de résolution. 264, merci beaucoup. Mais c'est quand même beaucoup de pixels. C'est plus qu'un écran HD, puis c'est plus petit que n'importe quel téléviseur qu'on peut acheter de nos jours, 9,7 pouces. Donc, c'est plus que l'écran 30 pouces de Apple. Bon, en plus, tu vois, donc c'est, je ne sais pas s'ils vont arriver avec un téléviseur 4K dans 6 mois pour compenser, mais ils sont partis dans ils sont partis pour vraiment là, pousser la, hausser la barre, disons, en termes de qualité d'image. Ça, c'était très évident. Mais est-ce que tu ne crois pas que les deux produits que nous, qu'on nous a présentés hier, c'était des mises à jour pour rattraper un petit peu la concurrence ou à tout le moins distancer un petit peu la concurrence parce qu'il y avait beaucoup de critiques? Bon, l'Apple TV était juste 720p alors qu'un Roku ou un Google TV, j'imagine, était en 1080p. Ouais. Ben, je vais te répondre à ça. Bernard, excuse-moi, je vais te répondre à ça. Est-ce que tu as essayé un Roku récemment? Moi, personnellement, non, parce que je crois qu'il est juste vendu aux États-Unis, de toute Puis, façon. Tu as essayé un Google TV récemment? Un Google TV, personnellement, non. Bon, c'est un peu ça l'affaire. Exact. C'est bête à dire, mais c'est que, tu vois, j'ai posé la même question à un analyste à la fin de la conférence. Non, il a posé la question pour se faire répondre ça. Non, mais c'est ça. Les analystes vont te répondre la même chose, puis c'est ce qu'ils m'ont dit hier. Je dis, regardez, est-ce qu'Apple fait un geste défensif ou offensif? Puis on dit, mais pourquoi défensif? Les gens magasinent une tablette, puis ils achètent à 80 % un iPad. Donc, ils n'ont pas nécessairement à se défendre pour, contre une concurrence qui, de toute façon, ne fait pas vraiment. Non, mais ce que la concurrence fait bien souvent, comme Samsung joue beaucoup ce jeu-là, c'est de dire, oui, mais le iPad, lui, n'est pas en LTE. Oui, mais le iPad, lui, n'a pas ci ou n'a pas ça. Eux qui ont rajouté ces fonctionnalités-là, pas toujours demandées par les consommateurs, mais juste pour dire que ce modèle-là a un petit plus que le iPad ou le Apple TV n'a pas. Oui, ça, c'est, écoute, c'est une question intéressante. C'est-à-dire, on peut parler de ça là, pendant tout le reste du show. C'est que les Coréens sont forts là-dessus, puis c'est pas juste dans l'électronique, ils font aussi dans l'automobile. C'est qu'ils font une fiche technique chargée à bloc de tout ce qui est le dernier cri. Mais à la fin de la journée, tu as ton appareil dans tes mains, puis ça a l'air cheap. T'sais. Une Galaxy Tab, c'est une super tablette, mais tu regardes l'interface, tu regardes le produit, la finition est en plastique. Tu as l'impression qu'elle va te casser dans les mains. Il y a vraiment cette impression-là. Puis c'est un peu ce que les analystes disaient hier. Je veux pas sauter d'une opinion à un fait, puis ainsi de suite. Là. Mais c'est ce que la plupart des analystes disaient. C'est que, puis d'ailleurs, sur scène, ils ont fait la démonstration, une application pour iPad versus une application pour Samsung Galaxy Tab. Il y a beaucoup de développeurs qui ne mettent pas l'énergie qu'ils devraient sur Android, mais qui mettent une énergie folle sur les produits pour iOS parce que sur iOS, puis on voit les statistiques passer régulièrement, c'est que les revenus rentrent aussi. Les gens les achètent, l'application, les gens les utilisent. Ils font de l'argent. Bien, c'est ça. Fait qu'il y a comme une direction dans le marché qui s'en va par là. Donc, c'est sûr que pour le consommateur qui préférait une tablette Android, parce que, bon, le système est ouvert et tout ça, ce serait intéressant d'avoir une meilleure tablette Android. Mais on arrive toujours avec un appareil qui est finalement l'iPad comme numéro un dans le marché. Puis, non seulement au niveau des ventes, mais au niveau du nombre d'applications, au niveau des différents services qui existent pour ça aussi, puis ainsi de suite. Puis la meilleure démonstration, c'est quand ils ont montré iPhoto. Ça paraît bête comme ça, une application de photo pour iPad, pour le nouvel iPad, mais ça utilise l'ensemble des capacités graphiques de l'appareil avec un processeur graphique quad-core qui n'est pas le processeur de base. Le processeur, c'est le dual-core A5. Là. Ils ont ajouté à ça un GPU qui fait, écoute, une capacité phénoménale. Là. Autant qu'un Xbox 360 ou qu'un PS3, d'après ce qu'on a vu. Ah oui, bon. Ben voilà, donc, on sentait aussi, puis ils ont, on n'en a pas parlé en détail à fond, là, mais on sentait qu'il y avait une volonté aussi d'en faire un appareil de gaming très sophistiqué, puis je pense que ça va décoller. Là. Juste la démo d'Infinity Blade Dungeons était époustouflante, là. Même si, en fin de compte, était présenté sur un écran de cinéma qui n'a pas la résolution du iPad. C'était déjà assez beau comme ça. Vous pouvez imaginer sur un nouvel iPad ce que ça va donner. Pour une personne qui voudrait acheter un nouveau iPad, qui n'aurait pas d'iPad là, encore, et qui voudrait s'en acheter un, qu'est-ce que tu suggérerais? Est-ce que tu leur dirais, Moi, j'irais avec l'iPad 2 qui coûterait moins cher, mais qui est tout à fait convenable comme appareil. Ou bien, j'irais tout de suite avec le top of the notch, vraiment le gros modèle, l'iPad 3. C'est une bonne question. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Et Apple non plus, je ne sais pas. La question, c'est... Parce que je pense que la grosse différence, c'est vraiment la connexion plus qu'autre chose. Est-ce qu'on a besoin du LTE? C'est au moins la moitié de la réponse. Oui! Oui, bon. Tu vois, moi, personnellement, je ne l'ai pas chez nous, le LTE. Je n'irais pas me brancher sur du 4G tout de suite. Donc, cette capacité-là est un peu perdue. Par contre, au niveau graphique, si vous êtes un gamer, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos ou de photos... Là, l'iPad, le nouvel iPad a quelque chose que l'ancien iPad, qui est quand même l'iPad 2, en tout cas, peu importe. Donc, le nouvel iPad se distingue du iPad 2. Sinon, il y a quand même des gens qui veulent une tablette, qui vont regarder du côté de Samsung, qui vont regarder du côté de HTC, du côté de Sony, vont dire, bon, qu'est-ce que j'ai pour 400$? Ils vont dire, ah, tiens, je peux avoir un iPad 2. Je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui vont aller prendre le modèle iPad 2 au niveau du prix, et non pas. Mais je te dirais que l'iPad 3 aurait peut-être un petit plus. Quand on parle de LTE, je crois que l'iPad 3 va permettre le partage de connexion, chose que l'iPad 2 ne fait pas. Ouais, en fait, je ne sais pas si l'iPad 2 ne le fait pas parce que c'est un update, c'est une mise à jour logicielle. Hein. C'est iOS 5.1 qui le permet. Je l'ai vérifié aujourd'hui. On ne l'a pas encore, même avec le 5.1. Donc, il ne l'a pas sur l'iPad 2. Ah, c'est dommage. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir partager une connexion LTE, donc plus rapide que ce que la plupart des Québécois ont chez eux comme connexion Internet avec le iPad sur d'autres appareils. Je serais curieux de savoir le nombre de gens qui achètent un iPad qui n'ont pas un téléphone intelligent qui est capable de faire ça déjà. Mais le iPhone est capable de faire du 14,4 mégabits maximum. Donc, le LTE qui va se rendre à peu près à 30, je dirais ici. C'est quoi qu'est-ce que le réseau de Rogers est capable de fournir? Ben, il dit 54, mais en principe, c'est-à-dire en réalité, nous, ce qu'on a essayé quand j'ai fait des essais, c'était à donner 20. Dans le meilleur des cas, c'était à donner 25 mégabits par seconde. Ben, c'est quand même... quand même 2 mégaoctets par seconde, ce qui n'est pas si mal du tout. C'est quand même 3 fois plus rapide que du haute vitesse standard de Vidéotron, là, tu sais, à cause d'un téléphone. Moi, en tout cas, je l'ai ici, mon argument, pour acheter le iPad 3, parce que je veux des photos d'elle en Retina Display. C'est la prunelle, de mes yeux. Retina Display, prunelle de mes yeux. Oh! Hey. Maintenant, va te toucher. A fait son message, va-t'en. Voilà. Si Apple la veut pour des publicités. Intéressant. Voilà. Mais est-ce que tu as touché ou tu as juste vu la démo? Non, ben j'ai touché le temps de. Parce qu'évidemment, les bonnes d'Apple étaient là. Donc, il y avait peut-être quoi une douzaine d'appareils sur une table. On avait le temps de le regarder. C'est quand même un bel appareil. C'est sûr que, c'est pas un gros détail, il est un petit peu plus épais que le 2. Ouais, ben, 0.6 mm. Ouais, c'est ça. Fait que vous en faites ce que vous voulez. Ben, c'est ça, tu sais, ça paraît même pas, là. Mais sinon, pas grand-chose de négatif à dire. La batterie, en fait, le 0.6 mm d'épaisseur leur a permis de mettre une batterie qui est de 42,5 watts versus 25 watts pour l'ancien appareil. C'est ce qui permet de donner autant de batterie à l'appareil qui en avait en termes de temps de batterie, on va avoir 10 heures dans les deux appareils, mais du LTE puis un Retina Display, ça consomme beaucoup plus. Oui, ben c'est d'ailleurs, ils disent 10 heures en Wi-Fi puis 9 heures en 4G. LTE. Pardon. C'est quand même très bon. Rapidement, en fait, si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu, Alain, mais je pense que tu me coupes quand tu es là. Fait que, les gens décideront qu'ils veulent garder. Non, non. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu as vu aussi la Apple TV de tes yeux? Est-ce que la qualité d'image, parce qu'on sait que la qualité d'image du 720p d'Apple, c'est du 720p compressé, là? Est-ce que l'image du 1080p d'Apple, qui devrait être compressée à mes yeux aussi, est-ce qu'il sort bien? Ben quand le film loué est du 1080p, oui. Ce n'est pas encore nécessairement le cas pour tous les films sur l'App Store. Pas l'App Store, mais sur iTunes. Mm-hmm. Donc, il faut attendre que le contenu arrive. Là, c'est une question de temps. Donc, je voudrais garochez-vous pas sur un Apple TV dès maintenant si vous voulez du 1080p. Ce sera pas urgent. Cela dit, le prix ne va pas changer. Là, Apple n'a pas tendance à faire des ventes de feu. Donc, vous l'achetez comme vous voulez si vous en voulez un. Mais il y a déjà y a d'autres produits, peut-être pas le Roku, peut-être pas le Google TV, mais si vous avez... Il y a le Boxybox. Oui, une Boxybox va faire du 1080p sans problème déjà. Mm-hmm. Ça fait beaucoup plus que ce que l'Apple TV fait. Quelques petites nouvelles flash à propos de hier en tant que journée. D'abord, il y a eu 10 000 tweets à la minute. À propos, en fait, de la conférence. Le maximum de tweets a été atteint, en fait, quand ils ont lancé, quand ils ont donné les prix de l'appareil. Mais les prix, on s'y attend toujours un peu. Ce sont les mêmes chez Apple. Mm-hmm. Ils ont sorti hier iTunes 10.8, iPhoto pour iPad, 10.6. iPhone... 10.6, pardon. iPhoto pour iPad et iPhone. Fonctionne pas sur le iPad 1 officiellement, mais on y reviendra un petit peu plus tard avec Vincent. Ouais. iOS 5.1 qui a été mis à jour hier. Mise à jour d'à peu près toutes les applications iPhone de Apple, c'est-à-dire aujourd'hui, Find My Phone, Remote, toutes les applications que Apple a fait pour le Retina, c'est-à-dire pour mettre les nouveaux graphiques dedans. Pour certains, le Retina Display, je lisais ça chez Daring Fireball, c'est pas une spécification, c'est un game changer. C'est le plus bel écran qu'ils ont jamais vu à vie, là, période. Là. Il y a du monde qui ont dit « J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que ça ». Le nouveau iPad, j'ai lu en quelque part que c'était l'appareil qui était compatible avec le plus de normes au monde actuellement. Quoi qu'il reste. Oui, c'est ça, LTE, mais des bandes 700, ouais. 800, tout le kit. Sauf qu'il risque d'avoir des problèmes en Europe, d'après ce que j'ai lu. Puis, si vous vous demandez si le nouveau iPad se vendra, il est déjà à 3 semaines de livraison sur le App Store. Donc, ça, il n'y a aucun doute qu'ils vont en vendre, c'est bien évident. Si vous le commandez aujourd'hui, là, en précommande, attendez-vous à recevoir ça au mois d'avril. Avez-vous essayé? Est-ce quelqu'un chez vous qui a essayé la mise à jour 5.1 sur iPhone? Oui, j'ai installé ça, oui. Merci pour l'enthousiasme. Je me demandais, parce que je lisais un truc, paraît que ça donne le petit code en haut marque 4G, comme on est sur du HPSA+. Avez-vous remarqué ça? Mais non. C'est juste sur AT&T, je pense. C'est ça l'affaire? C'est AT&T seulement. Donc, c'est juste aux États-Unis, c'est pas au Canada. C'est AT&T. Méga fraudeur, parce que c'est pas vraiment du 4G là, sur la HDSPA. Attention, l'Union nationale des télécoms dit que c'est du 4G. Ouais. ça vaut ce que ça vaut, je suis pas nécessairement d'accord. Mais un truc qui est le fun, puis on parle du Canada puis des États-Unis, c'est que pour une fois, puis ça arrive pas souvent, TELUS, Rogers et Bell étaient en gros sur l'écran à côté de Verizon. Donc, je pense que c'est un gros progrès, là, en plus. Je vais y aller long shot là, à propos de ça. Là. On n'aime pas faire dans la rumeur, mais il y a eu quelque chose, une rumeur il y a quelques semaines de ça, comme quoi les télédiffuseurs canadiens auraient en leur possession une télévision à Apple TV pour l'essayer dans un marché qui, technologiquement, est assez rapproché des États-Unis, mais où est-ce que, ils pourraient plus contrôler. Est-ce que... l'association avec les télédiffuseurs fait pas qu'ils se sont trouvés sur ce tableau-là où habituellement, tu sais, le marché du Canada, là, Apple s'en fout, mais comme carrément habituellement, là, tu sais. Je veux dire, pas nécessairement, là, ils s'en foutent pas nécessairement. Je veux dire, écoute, pour une compagnie technologique, c'est une des premières à utiliser le canadien français dans ses applications et dans un paquet d'affaires. Donc, en partant, ils sont déjà au courant qu'on existe, ce qui est mieux que bien d'autres compagnies. Ouais. Et je pense à Google, mais... Je veux dire, personnellement, cette rumeur-là qui était lancée par le Globe and Mail et qui commençait comme toutes les rumeurs d'Apple commencent, une source près du dossier dit que on était, je pense, 6 ou 7 journalistes canadiens là, sur place aujourd'hui puis hier. Puis je pense qu'il faut mettre un petit peu de sel là-dessus, un grain de sel, en fait, parce que c'est pas... Il y a personne qui a pu vérifier ça. Là, fait que ça demeure encore hypothétique. Ce n'est pas vraiment de la job de journaliste, donc... À moins qu'ils aient une super, super bonne source, mais en même temps, tu vois, du côté des fabricants, qui sont les fabricants chinois de composants pour Apple, puis ainsi de suite, ce qu'un analyste me disait il y a quelques semaines, c'est que les appareils seraient pas prêts avant le début 2013. Donc, s'ils ont des prototypes, en fait, les chances sont minces qu'ils aient déjà des prototypes. Je pense que s'ils en ont, c'est pas beaucoup. Puis, s'ils en ont pas beaucoup, je serais surpris qu'ils les amènent au Canada. C'est sûr que la différence entre un Rogers ou un Bell puis un AT&T, c'est que Rogers puis Bell, ils ont des propriétés de télédiffusion puis ils ont des applications de télé numérique à la carte sur demande, etc., etc., sur déjà sur iOS. Donc, ils ont l'infrastructure en place pour essayer de vendre ou appliquer. En tout cas, la rumeur, c'est qu'il y aurait aussi des espèces d'applications par chaîne diffusée. Là. Je ne sais pas trop, c'est pas super clair, là. Mais il y aurait comme toute l'infrastructure autour, l'écosystème de distribution puis de diffusion pour permettre d'essayer des affaires. Puis ça, ce serait pas bête. Puis ça permet d'imaginer ce qu'un Apple TV pourrait avoir l'air avec l'interface de l'Apple TV actuelle, mais avec des chaînes dessus. Selon, imagine TVA, Radio-Canada, TQS, MUV Télé, puis ainsi de suite. Il y a quelque chose d'intéressant là en termes de réflexion sur ce que l'Apple TV éventuelle pourrait prendre comme forme. Je veux pas dire, puis ça, là, tout ça étant basé sur une rumeur qu'on sait même pas si c'est vrai. Là. Mais elle vient quand même du Globe and Mail, ce qui n'est pas non plus, c'est pas un hebdo régional. Mais je regardais ton reportage avec ton collègue sur la Boxy TV. Maintenant que tu as vu le nouveau Apple TV 3, avec la nouvelle interface qui nous semble à être portée à avoir des canaux qu'on va pouvoir télécharger, on va pouvoir rajouter, un peu comme le Boxy Box, d'autres canaux, penses-tu qu'Apple s'en va dans cette voie-là également? Bien, c'est sûr qu'ils vont ouvrir de plus en plus leur plateforme ce qu'ils veulent, dépendamment de ce qu'ils veulent, mais j'imagine qu'ils veulent faire de l'argent avec l'Apple TV, puis l'argent passe par la banalité. Le Boxy Box, j'ai pas vu de chiffre récemment, mais c'est un beau succès. C'est tellement un succès que Boxy a retiré son logiciel open source de ses serveurs. Donc, on peut plus télécharger Boxy puis l'installer sur un ordinateur. Il faut absolument lâcher le Boxy Box. Donc, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, eux, ils se disent « Wow, il y a vraiment une opportunité de faire de l'argent un peu plus ». Mais toi, entre un Boxy Box et un Apple TV jailbreaké, lequel tu prendrais? Je prendrais le Boxy Box. Ah oui? Pour quelle raison? Il y a deux choses. L'Apple TV jailbreaké, je ne l'ai pas vu personnellement, mais ce que les gens m'ont dit, j'ai un ami qui en a un, puis qui tout ça. Ça reste limité. Je ne sais pas, moi, vous me disiez qu'on peut faire du gaming là-dessus, puis qu'on peut faire un paquet d'affaires, qu'on peut pas faire avec le non-jailbreaké. Le seul atout qu'a le Apple TV, à mon sens, c'est le contenu francophone canadien, donc les films qu'on peut acheter ou louer québécois, les versions françaises de films de provenant des États-Unis. Ouais. Ouais. Tu n'as pas le petit box. Je m'excuse infiniment de couper la parole. On a beaucoup, beaucoup de news aujourd'hui, puis il nous reste 20 minutes avant de passer à l'autre show. Je voulais savoir, est-ce que tu as... J'ai l'impression que la nouvelle est complètement passée à côté, mais Apple a dévoilé un nouveau logo hier. Un nouveau logo? Oui, la présentation se terminait par une pomme avec les couleurs mélangées à l'intérieur, les anciennes couleurs arc-en-ciel du premier logo de Apple. La dernière image qui était pendant la présentation, c'était cette pomme-là. Wow. Avec des couleurs mélangées. Oui. Donc, c'est un nouveau logo pour Apple et la news est complètement passée sous le radar. Là. J'imagine, parce que quand la conférence s'est terminée, tout le monde s'est levé. Moi, j'ai perdu la scène de vue là, à la seconde où Tim Cook a dit merci, bonsoir. Là. Tu peux aller voir sur le site, c'est l'ami Vincent Abri, en fait, qui nous apprend, qui nous apprend ça. Donc, tu peux aller le voir sur le site de vincentabri.com. Tant mieux, ça vient sur les couleurs, parce que c'est peut-être juste une question de design, mais je pense que les couleurs, ou en tout cas les espèces de bandes de couleurs, sont de retour à la mode. Là. Je pense que c'est Apple flaire la bonne affaire de ce côté-là, c'est pas bête. Il y a Gizmodo France qui en parle du nouveau logo pour Apple. Ah, OK. Ouais. Sinon, tu as sûrement entendu parler d'une autre grosse nouvelle hier ou aujourd'hui, j'imagine, là, ça a secoué le monde de la technologie. Intuit a lancé une mise à jour pour rendre Quicken 2007 compatible avec Lion. OK. Voilà, c'est tout. C'est tout. On n'a rien d'autre à rajouter à part what the fuck. Suis flabbergasté, messieurs. Quicken 2007. comme... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Écoutez, je vais vous dire, super une conclusion. Parce que ça, je parlais au début du Game Developers Conference, qui était à l'autre bord de la rue, littéralement, de la conférence d'Apple. Puis je peux te dire qu'ils avaient ils bavaient la salive coulée jusque sur le trottoir. Là. Ils auraient aimé ça, voir ce qu'Apple avait annoncé, parce que le gaming s'en va vers les plateformes mobiles. Et puis l'iPad, c'est vraiment le fer de lance. Là. Rapidement, y a-tu eu un Xbox 3 hier? Xbox 3, non. Il n'y a pas d'Xbox 3, il n'y a pas de PlayStation 4. Il y a des affaires sur la Wii U de Nintendo, mais il n'y a pas de Wii U comme tel. Donc, il y a des jeux qui s'en viennent pour ça, mais on n'en sait pas vraiment plus à date. Bon, écoutez, merci beaucoup, Alain, de t'être joint à nous. On était supposé te recevoir hier. Conflit de logistique, on n'a pas pu. Mais merci beaucoup d'être venu nous récapituler ça aujourd'hui. Je pense que les auditeurs ont bien apprécié. Rapidement, où est-ce qu'on peut trouver tout ton savoir et ta sagesse? Dans ma tête? Mais mettons sur papier, là, quand tu partages. Ah, ben là, je vous dirais, lisez la presse, abonnez-vous à la presse. Puis, ben, en fait, tout ce qui est lié aux technologies, ça va dans la presse. Il y a beaucoup d'informations, évidemment, qui se ramassent sur le site de la presse, qui est maintenant de moins en moins cyberpresse, de plus en plus lapresse.ca. Oui, c'est pas mal beau comme site, puis c'est pas mal le fun à consulter depuis le changement. Tu es à Monsieur Net aussi, je crois. Ouais, on fait des. Ben oui, absolument, Monsieur Net. On fait. D'ailleurs, on a fait un Skype, puis c'est ça c'est ça la vie. Hein? On a fait un Skype il y a deux jours, puis ça a planté magistralement après 30 secondes. Donc, ouais, je suis content de faire du. Ben, je suis content de faire du son avec vous parce que le son passe pas mal mieux que l'image. Donc, au moins, ça marche. Ouais, on a une certaine expérience dans les problèmes de son. Des problèmes techniques. On court après, en fait. On essaye de toutes les avoir. Monsieur, vous êtes sur la fine lame de l'innovation, c'est normal, c'est le risque. Ah oui, cutting edge. Exactement. Voilà. Messieurs, je vous laisse continuer avec les news. En fait, e-photo, là, qui y a une couple de nouvelles à propos de ça. Et moi, je vais récupérer la poupée de ma fille qui est tombée derrière le lit. Donc, je vous reviens dans 3 minutes et je vous laisse entre bonnes mains. OK. Parfait. Fait qu'on va passer à la nouvelle application d'Apple pour le iPhoto pour iOS. On a remarqué que quand on prend une photo, qu'on géolocalise la photo, si on veut voir où est-ce que la photo a été prise, elle n'est plus dans Google Maps. Elle est dans une ancienne... On aurait pu penser que c'était la nouvelle compagnie qu'Apple a achetée, que là, j'ai un blanc, mais de Total, là. Quelqu'un peut m'aider? La nouvelle compagnie qui vient juste d'acheter? Ouais, la compagnie qui fait les cartes, là. J'ai un blanc, là. Ah, attends un petit peu. C'est une compagnie québécoise en plus, je pense. Ouais, ouais. C3? Non, Polyneuf. Polyneuf, c'est ça. Hein. C'est Polyneuf. Fait que quand vous regardez la photo, vous avez la photo qui n'est plus dans Google Maps, qui est dans la compagnie Polyneuf. Fait ouais. D'après moi, ça va changer bientôt. Peut-être dans les prochaines versions, peut-être iOS 100, iOS 6, peut-être qu'il n'y aura plus de Google Maps. Je dois dire aussi que Google va charger tous les utilisateurs de leur carte. Comme par exemple, je sais pas moi, je fais du géocaching, donc le site de géocaching ont commencé à migrer toutes leurs cartes en dehors de Google parce que Google va charger pour les gens qui utilisent des API pour leurs cartes. Donc avant, on pouvait les utiliser gratuitement. Maintenant, ils vont charger. Donc peut-être qu'il y a un rapport aussi au niveau de l'utilisation des cartes de Google Maps. Donc, d'avoir une espèce de redevance là, pour Google. Donc, les gens vont contourner ça pour avoir d'autres fournisseurs. Par ailleurs, il y a, par exemple, OpenStreetMap qui existe. Donc, il y a des collectifs qui se font aussi pour offrir des choses qui sont gratuites, comme par exemple des cartes. Si je ne me trompe pas, c'est OpenStreetMap qui est utilisé dans eFoto. Oui, bien, c'est pour ça, c'est ça que je dis, c'est que Google commence à charger pour les gens qui utilisent leurs API pour les cartes. Donc, les gens, s'ils ne veulent pas payer, ça coûte assez cher. Donc, c'est à l'utilisation, c'est au nombre de vues, etc. Donc, pour contourner ça, il faut aller vers un autre fournisseur et le plus gratuit possible. J'ai perdu un bout. Est-ce que vous avez mentionné que les nouveaux appareils depuis l'iPhone 4S sont compatibles avec GLONASS? Dont j'ai entendu parler pour la première fois aujourd'hui, qui est le système de GPS russe. Et en fait, ce que je lisais dans la news, là, c'est que pour le système GPS, il y a globalement 31 satellites qui sont utilisés, alors que le système russe, lui, en a 24. Le système russe est en développement depuis 1976. Fait que c'est pas mal ça. Là. C'est juste que ça va rajouter, en fait, de la précision. La précision. Voilà. Mm. Et il faut se rappeler aussi que Apple, depuis 2009, achète des compagnies qui clairement montrent son désir de montrer sa propre solution de carte. On le mentionne souvent, mais ils ont commencé avec PlaceBase. Ils ont acheté Polyneuf, la compagnie québécoise, et récemment la compagnie C3, qui a une technologie complètement malade de carte 3D. Voilà. Voilà. Par ailleurs, si vous voulez avoir l'application OpenStreetMap, ça existe aussi sur iOS. Vous pouvez avoir vos cartes comme ça. Pratique quand on s'en va en voyage, puis vous voulez avoir les cartes d'une ville ou d'une région. C'est un bon moyen. C'est vraiment pas cher. Mm. On va passer à la prochaine nouvelle. Je pourrais rapidement parler. Parce que là, on parlait d'iPhoto. iPhoto est disponible pour les iPad deuxième génération et évidemment, ça va être la troisième génération aussi. Puis je veux pas dire le nouvel iPad parce que c'est laid comme nom. Fais comme Alexis, qu'est-ce qu'il a dit hier? Un iPad 9. Un iPad 9, effectivement. Puis il y a une façon de faire qui est... officiellement, le iPhoto n'est pas supposé être disponible sur l'iPad première génération, mais vous pouvez quand même le forcer d'installer. Donc, c'est pas... vous utilisez un utilitaire qui vient d'Apple qui s'appelle l'utilitaire de configuration iPhone. Comment il faut faire? Il faut brancher votre iPad première génération dedans ça. Une fois vous avez rajouté votre appareil sur ça, faites une synchronisation rapide dans iTunes. Une fois que c'est fait, c'est ça, vous ouvrez cet utilitaire-là, pardon. Vous voyez votre appareil, vous allez avoir une section application, vous allez chercher le point IPA de l'application dans ce dossier Mobile Application qui est dans iTunes, Musique, iTunes, puis ensuite Mobile Application. Puis une fois que vous voyez ce IPA-là, cette application-là de iPhoto, vous la rajoutez dans ça, puis vous faites une synchronisation tout simple. Vous allez l'avoir ajouté dans l'application, donc c'est faisable. C'est assez pratique si vous voulez vraiment l'essayer ou peu importe. Je vais le tester un petit peu plus tard, mais est-ce qu'on a des rapports? Est-ce que Apple l'a empêché parce que peut-être que l'application est vraiment trop gourmande puis ça ne roule pas sur l'iPad 1? Il n'y a pas eu de rapport encore sur si jamais c'était trop lent ou quoi que ce soit. C'est peut-être au niveau de la RAM qu'ils ont juste coupé ça. Ça dépend aussi. Je pense que iPhoto ou un autre logiciel quelconque pouvait supporter jusqu'à 100 mégapixels au niveau supporter l'image. Donc, peut-être qu'il y a des images trop grandes qui ne marcheront juste pas dans ce iPhoto-là. Mais si vous utilisez juste des photos tous les jours, ça devrait fonctionner. La seule petite affaire, c'est que quand vous allez synchroniser votre iTunes, il va vous dire que iPhoto n'est normalement pas autorisé. Vous faites juste annuler ça, puis vous allez pouvoir synchroniser votre appareil pour ne pas supprimer l'application et les données que vous allez recueillir avec iPhoto. Excellent. Sinon, hier aussi, dans la foulée du lancement du Apple TV 3e génération, Netflix, qui est disponible évidemment comme service sur l'Apple TV, qui offre maintenant du streaming de 1080p sur l'Apple TV. Et il est aussi possible de créer un compte Netflix directement à partir du Apple TV, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait aller le faire sur un ordinateur et rentrer simplement son mot de passe, son nom d'utilisateur pour y accéder. Même pas sur les consoles. On ne peut pas créer de compte Netflix sur les consoles encore. Bon move d'Apple. C'est un bon move d'Apple là, parce que PlayStation, Xbox, la Wii, on ne peut pas créer aucun compte là-dessus. Fait que c'est bien. Excellent. Fait que maintenant, tous les films que vous pouviez voir dans les années 80 à TVA, le dimanche matin en reprise quatre fois les dimanches suivants, bien, vous allez pouvoir les voir en 1080p sur Netflix, n'est-ce pas merveilleux? Ben oui, en 1080p, mais en 4.3, tu sais. Ouais. Puis pour les gens qui achètent un iPad pour le 1080p et le Apple TV pour le 1080p, juste avant de l'acheter, contactez votre fournisseur Internet pour grossir votre forfait. Oh que oui! On va regarder un petit peu cette semaine là, combien en bande passante ça coûte, là, mais j'imagine qu'il va y avoir un effort qui va devoir être fait de la part des fournisseurs. Là, parce que... On en avait parlé hier, puis il n'y avait pas une grosse différence entre le 720p et le 1080p du iTunes. Au niveau du poids? Il était supposé, oui. Parce qu'il était très... Très compressé. Il était très compressé. D'ailleurs, dans quelques minutes, on a 6 minutes pour closer ça avec les nouvelles qu'on a à dire, mais dans le prochain show, on a une question là-dessus parce que ceux qui veulent... Attends, c'est quoi? Ceux qui achètent un film en 1080p, mais qui ont un Apple 2, un Apple TV deuxième génération, qu'est-ce qui va se passer? Il va downgrader, il va downscaler, il va le streamer à 720? C'est comme quand vous allez dans la nouvelle version d'iTunes qui est sortie hier, la 10.6, que vous allez dans vos préférences, on peut dans lui le dire... store, vous choisissez 720 ou 1080p. Voilà. Fait que d'après moi, ce qui va se passer dans le... Parce que là, moi, je ne l'ai pas mis à jour là, pour le 5.0. Fait que d'après moi, ça doit être la même option qu'il doit avoir là-dedans. C'est mettre de base la 720p. Là. Fait que, y a encore, d'après moi, ils ont gardé les deux fichiers. Là. Fait que... Puis le nouveau iPad hier devait... En fait, on pensait que ça allait s'appeler le iPad 3. On avait aussi entendu des rumeurs. Et la rumeur provenait de CNET qui publiait, l'information comme quoi, venant d'une source fiable, que le nouveau iPad s'appellerait iPad HD. Nous, on l'avait mis dans les rumeurs farfelues parce que le moniker HD, la mention... En fait, date d'à peu près 2008. Là, c'est une vieille affaire pourrie qui est de marketing qui est pas vraiment, qui vend plus vraiment. Antidote utilise même le HD. Fait que nous autres, on ne croyait pas vraiment. Et il s'avère en fait qu'il ne s'est pas appelé comme ça. Donc, c'est une autre belle preuve que CNET, c'est pas mal ce qui se fait de moins bon en termes de news à Apple. Moi, en tout cas, à chaque fois que je vois quelque chose sortir de là, c'est jamais vraiment impressionnant. Puis en plus, ils n'auraient pas utilisé aussi, ils ont augmenté la qualité, puis mettre HD sur un produit qui fournit plus que le HD, en fait, la dalle d'écran, c'est un peu downgrader le nom, c'est un peu bizarre. Fait que peut-être qu'il y aurait eu des jokes sur ça, j'ai aucune idée là, mais ouais. Écoute, moi je suis dans le domaine de l'optométrie là, à l'école, puis on a même, il y a des lunetteries qui utilisent maintenant les lunettes HD. Ouais. C'est bon. On les nommera pas, là. Il y a une annonce présentement à TV là, qui s'appelle... Fait que juste pour dire comment que le terme HD peut être galvaudé, là. Ah oui, il y en a plein d'autres exemples comme ça. Là. Je voulais pas dire le nom, là, mais bon, vu que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit... Bon. Ouais, c'est ça. Mais, ceux qui écoutent le podcast en ce moment, vous allez entendre un gros bip en même temps. Là. J'espère que j'aurai pas... Ce podcast n'est pas une présentation de HD New. Un terme marketing rajouté juste pour vous faire dire « Hey, c'est-tu bon, ça, des lunettes HD? » Tu couperas ça au montage, Vincent, s'il te plaît. Je ne vais pas avoir de problème à job. C'est bon. On va mettre un lien. J'en ai déjà assez eu de même avec le podcast. Là. Passons donc à un autre... J'ai une dernière nouvelle avant qu'on finisse le show. Hier, il y a eu aussi une augmentation du débit de téléchargement sur le réseau cellulaire avec Apple. Oui. On se souvient qu'Apple, en 3G, vous ne pouvez que télécharger une application de 20 MB. Maintenant, elle passe à 50 MB. Au lieu de 20, vous avez 30 MB de plus. Mais sur Android, ils ont 4 GB. Oui, il me semble que j'ai lu ça cette semaine en quelque part. J'ai pas vérifié aussi, l'information. Mais il me semble qu'ils ont 4 GB. Ben 4 gigs, y a, comme tout le monde va buster son compte data avec ça. De deux, what the fuck, une application de 4 gigs pour ton téléphone? Comme je veux dire, qu'est-ce que t'as pas optimisé, là? Mm. Une application de 4 gigs, avant que ce soit une méga carte mondiale, là, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de fichier 4 gigs, là. TomTom, Navigon, name it, sont pas 4 gigs, là. T'as jamais des cartes qui ont 4 gigs, là. C'est impossible. Un Wikipédia offline, ça pèse pas 4 gigs ou à peu près, tu sais. J'imagine qu'il y a des tablettes qui supportent du Full HD. Ça pourrait-tu être ça? Un film HD? Peut-être. C'est peut-être plus pour ça. Mais là, tu vas tellement buster ton... Oui, c'est sûr. Il y a Dean sur le chat qui dit « Les applications ne peuvent pas dépasser 50 MB sur Android. » Par contre, il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a des jeux de plus de 1 gig. Oui, de 1 gig, ça, je crois ça, mais 4 gigs de limite, voyons. Mais c'était 50 MB, Dean. Fais une petite recherche, tu vas voir, hier, Ils ont augmenté le truc. Écoutez, messieurs, il nous reste 70 secondes pour se déconnecter et passer à la prochaine podcast. En fait, on commence à écart. À écart, je l'ai programmé pour écart. Ah, ça, c'est cool. Je savais qu'on bosserait un peu, comme d'habitude, fait que je l'ai programmé à écart. Bon, excellent. J'inviterais, avant de rapper ça, le Apple Store Lego, OK? Une bâtisse Apple Store, Think Geek, au mois d'avril passé, faisait une blague comme quoi ils vendaient maintenant un Apple Store en forme de Lego. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un site qui existe qui s'appelle Lego Cuso, C-U-U-S-O-O, qui est un espèce de Kickstarter pour Lego, où on propose des projets et si le projet a 10 000 votes, à ce moment-là, Lego va produire le modèle. Et en ce moment, il y a un Apple Store sur Lego Cuso. Donc, on invite les auditeurs du podcast à aller voter pour ça. On va donner l'adresse. En fait, je vais afficher l'adresse où la nouvelle est et vous pouvez vous rendre à partir de là pour aller voter. Moi, je trouverais ça très drôle, même si il n'est pas très beau, mais je trouverais ça très drôle qu'il y ait un Apple Store en Lego. Celui de ThinkGeek était vraiment beau. Il y avait même une petite salle où il y avait une keynote puis il y avait un personnage Lego de Steve Jobs. Il était écœurant. Donc, voilà, c'était pour ma petite plug. C'est même, en fait, mon coup d'ose de la semaine. Allez voter là-dessus. Puis il va y avoir un coup d'ose pour vous si on réussit à faire passer ça. Moi, mon coup de 12. Ah oui, oui, au coup de 12. Excellent, vas-y. Lâcher Flash sur iPhone. Je suis plus capable d'entendre parler de Flash sur iPhone. Même Adobe a lâché Flash. Adobe ont lâché à peu près il y a 2 mois. Là. Ça a été dit. Il n'y aura plus de Flash sur des téléphones cellulaires. Ça n'existera plus. Fait que ça reviendra pas, il n'y aura plus rien. Fait que, il n'y a pas de flash encore sur mon téléphone. T'sais, fait que, on a vu cette semaine j'ai vu cette semaine un rapport que le HTML5 est en train de prendre beaucoup d'ampleur sur les téléphones mobiles. Et que j'ai vu aussi que HTML5 roulait encore plus vite sur un iPhone que sur un Android, juste pour dire comme ça. Mais c'est ça. Mais lâchez-moi le Flash sur un iPhone ou n'importe quel téléphone mobile là, intelligent, là, je suis plus capable. Voilà mon coup de 12. Pouf! Toi, Bernard. Bien? Ah oui, je me suis vidé le cœur. Toi, Bernard, est-ce que tu as un coup de 12, un coup d'os? J'ai dit ça, moi. Non, ça, la vie est belle. Ah, excellent. Mon coup de 12 irait peut-être à mon Zoom, là, qui m'a encore lâché, là, au niveau des drivers, mais à part ça, non, ça va. Puis, ben, moi, mon coup de 12, c'est plus pour le nom du iPad, là, autre chose. Oh, OK, tu l'aimes vraiment pas? Ah, c'est débile. Si, je trouve ça tellement con comme nom. Je comprends très bien qu'il y a genre, il doit y avoir 10 000 personnes qui ont essayé de prendre le branding iPad 3, iPad 4, iPad 5, mais l'appeler The New iPad, c'est laid. Je trouve ça vraiment laid. J'en parlais avec du monde aujourd'hui, puis tout le monde avait de la difficulté à dire le vrai nom. iPad 3 est dans la tête de tout le monde. Ben ouais. Moi, je pensais que les gens arrivaient au Apple Store et disaient « Je veux un nouveau iPad », puis c'est à cause de ça qu'ils l'avaient appelé le nouveau iPad. Mais on m'a confirmé que non, les gens disaient un iPad 2 ou whatever. Mais est-ce qu'ils ont nommé le Apple TV, le Apple TV 3, ou est-ce qu'ils ont dit le nouveau Apple TV? C'est le Apple TV 3e génération, de la même façon qu'un iPod Touch, c'est le 4e génération, puis que le MacBook Pro, c'est le MacBook Pro, tu sais. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé le iPad 3e génération, tout simplement, pour garder la même nomenclature que les iPods puis les Apple TV? Parce que sur le marché, il y a encore des iPad 2 de vendus. Donc, s'il avait dit, on a commencé avec un iPad, on a fait l'iPad 2, puis là, on retourne au iPad, le monde aurait été fourré. Tant qu'à moi, ils vont l'appeler le nouveau iPad pour cette année. Puis l'année prochaine, quand ils vont arrêter de vendre du iPad 2, quand ils vont l'avoir écoulé, bien, il va avoir l'ancien iPad puis le nouveau iPad qui va être le modèle de l'année. T'sais. Parce qu'ils veulent garder juste le mot iPad. C'est ça qu'ils veulent inculquer aux gens. Ils veulent enlever toutes les notions de 1, 2, 3. Puis, ouais, voilà, en fait, c'est les chiffres qu'ils veulent enlever. Peut-être une petite dernière news gratuite là, en fin de podcast comme ça. Il y a une application qui s'appelle Lion Disc Maker et cette application-là, et, vous pouvez la chercher sur Internet. C'est une application qui va vous créer une clé USB bootable pour réinstaller Lion sur votre système. Et à cause des mises à jour à 10.7.3, la clé, on n'était plus capable de créer une clé avec une clé de 4 gigs. Il fallait une clé de 8 gigs. Bien, Lion Disk Maker est de nouveau compatible avec les clés USB de 4GO. Ça peut être intéressant parce qu'elles sont beaucoup moins dispendieuses sur le marché que les 8 gigs. Oui, mais là, maintenant... Là, maintenant, c'est vraiment plus cher. Là. On a des 64 gigs à 50-60$ maintenant. Oui, et je peux vous dire que j'ai posé la question au Genius Bar. Je me suis dit, on a une slot SD à côté de nos Macs. On peut-tu booter sur une carte SD HC au lieu d'une clé USB? Puis on dit, pourquoi pas? Ah, faudrait vérifier. C'était essayé. On a une slot qui sert à rien, quasiment. Sur le côté de l'appareil. Ils ne servent pas à rien. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne l'ai pas, cette slot-là. Moi non plus, on l'a. Tout le. Ouais. Écoute, ça pousse. Moi, là, vous savez que la slot SD est juste en dessous de la slot de DVD. Oui. Tu as déjà rentré. Oui, voilà. Très dangereux de rentrer sa carte SD en ligne. Si on ne regarde pas, là. Ça part dedans. Oui, elle est rentrée dedans, puis j'ai réussi à la faire sortir, mais. De peine et de misère. Mais toi, attends, t'as une slot SD en dessous de ton lecteur DVD, toi. Oui, en dessous d'un... ouais. Sur son iMac. Sur son iMac. Sur son iMac. Collé. Voilà. Okay. Messieurs, je l'ai écrit en dessous de nous, mais on va quand même dire où est-ce qu'on peut nous trouver. Alors moi, on peut me trouver sur Twitter à l'acronyme Cybernard, également sur Facebook, facebook.com/Cybernard. Google Plus pour ceux que ça leur tente. Ceux qui passent 6 minutes par mois. Ceux qui trouvent que tu parles beaucoup trop sur Twitter peuvent aller ne pas t'écouter sur G+. C'est ça que tu dis. Exact. Voilà. Puis c'est ça. Excellent. Moi, on peut me rejoindre sur Twitter aussi à GFRA1979 et sur facebook.com/GFRA79. Google, tous les médias sociaux, je suis sur tout. Check comment c'est cool, Spreecast. J'ai tout écrit ça en dessous. Le monde, ils peuvent cliquer dessus puis arrivent direct sur votre compte. Ils peuvent s'abonner. Puis là, on va faire quelque chose d'autre parce qu'ils peuvent aller sur le super site, parce que c'est notre site. Ils peuvent aller sur macquebec.com. Fait qu'on va le mettre, check ça. Et voilà, c'est en ligne. Vous pouvez aller sur macquebec.com, s'inscrire à l'infolette, s'inscrire à la plateforme Mac Québec Entraide, s'inscrire à... Toi, Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver? At DEV VMiller sur Twitter ou via mon site web vmiller.ca pour... si vous voulez développer une application iPhone et iPad, je suis développeur. D'ailleurs, je remercie parce que j'ai reçu quand même beaucoup de courriels, surtout hier, là, sur des projets de développement. Donc, je vous remercie à tous. Ouais. Puis, je voudrais pas partir de polémique ou quoi que ce soit, mais tu es quand même monsieur... application de podcast avec trois bières, l'analyse des geeks et notre application macquebec.com. Ouais, j'en ai une couple, effectivement. Et je voudrais nommer aussi at Kémo Claire. On va lui dire son nom sur Twitter. En plus que c'est la journée de la femme, qui est la seule femme dans le chat présentement avec nous. Oh oui, c'est Kim. C'est Kim. Oui, la communauté Mac-Québec est une communauté matriarcale. J'ai fait la gag, hein, je voulais le refaire aujourd'hui. Oh, oui, c'est ça. C'est la journée de la femme. La journée de la femme. Bon, voilà. Ben sur ça, messieurs, on va prendre un petit 5 minutes, on va switcher de page et on vous revient avec les amateurs de Mac. Bonsoir. Oui, dans 2 semaines, oui. Oui, puis merci beaucoup encore une fois à Alain McKenna d'être venu faire un petit tour sur le podcast. C'est bien apprécié. Voilà. Exactement. Salut, messieurs. Bye-bye. Bonne soirée. Bye. Bye.